Chapitre 2e. Comment Plénoche fit amitié avec la princesse. Deuxième aventure, moins périlleuse que l'autre. Mademoiselle de Longueville n'avait en ce temps-là que 16 ans. Elle n'en paraissait pas davantage, étant fort mignonne de tous ses membres, avec des cheveux blonds, des traits enfantins et le plus petit pied du monde. Mais ses prunelles noires et les jeux de son visage annonçaient un esprit au-dessus de cet âge innocent, et il tenait parole. Elle avait une intelligence prompte qui devinait la pensée avant qu'on l'eût dite et qui saisissait également toute chose. Aussi donnait-elle souvent son mot sur la politique, tout en badinant, avec tant de sens que les têtes blanches en étaient émerveillées. Les sots prennent volontiers l'esprit pour de la malice. Ils craignaient donc un peu la petite princesse, mais sans raison, car il n'y avait pas de meilleure âme sous le ciel. Mademoiselle de Longueville avait de la gaieté sans malveillance. Elle trouvait souvent sujet de rire, là où les autres ne voyaient d'abord rien de divertissant, jusqu'à ce qu'elle eût mis le doigt sur la drôlerie qu'on n'aurait point aperçue sans elle. Le comique dans le caractère l'amusait plus que dans les circonstances, et voilà pourquoi elle aimait fort les originaux. Elle leur prêtait souvent plus de plaisants qu'il n'en avait, et les jugeait d'une manière qui tenait à sa propre originalité. Pour cette raison, elle fut accusée de s'engouer des gens à la légère. Mais comme on la vit plus tard conserver ses amis, on sut que ce reproche n'était point fondé. Pour la faire assez connaître, il ne faut pas omettre un trait. C'est qu'avec son goût pour le rire, elle savait admirer les belles choses et louer les grandes actions. Elle tenait même de la princesse, sa mère, plus de romanesque et de sensibilité que son humeur ne l'aurait fait croire. On a vu au précédent chapitre comment notre chevalier avait eu le bonheur de plaire tout d'abord à Mademoiselle de Longueville. Ce premier penchant devint une bonne et gentille amitié. Au gré de la petite princesse, la conversation n'avait pas tous ses agréments lorsque Plénoche n'était pas là. Il est vrai que le chevalier avait des façons à lui de dire et de penser qui n'étaient celles de personne. Comme il arrive le plus ordinairement qu'on demeure pendant des années auprès des gens sans qu'ils vous connaissent, tout le monde tenait notre gentilhomme pour une tête calme. Mais le lecteur saura bientôt qu'il était capable des folies de la pire espèce, qui sont celles dont on s'acquitte tranquillement après en avoir bien délibéré. Le duc s'y trompait comme les autres. Il se louait fort d'avoir placé un garçon sûr et prudent auprès de sa fille, qui jouait trop souvent avec ses chevaux à risquer de se rompre le cou. Mais plus d'une fois, il arrivait que la demoiselle entraînait son écuyer à sauter les fossés, et c'était pour elle une ample matière à rire, car elle avait trop de pénétration pour ne point deviner ce que cachait la première écorce de Plénoche. Une chose contribuait surtout à entretenir les gens dans la fausse opinion qu'ils avaient du chevalier, c'est qu'il était bon à consulter et qu'il voyait plus sainement dans les affaires d'autrui que dans les siennes. Il ne fallait qu'une passion, ou simplement une fantaisie, pour le mener à des extravagances qu'il n'eût conseillées à personne. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne voulut jamais le reconnaître pour ce qu'il était, et que dans ses plus beaux moments de folie, on se borna toujours à dire « Est-il possible qu'un garçon si sage fasse comme un insensé ?» Tant les esprits vulgaires ont de peine à outrepasser les premières apparences. Lorsque Mademoiselle de Longueville s'en revenait d'une promenade avec ses robes gâtées pour avoir traversé des mares ou des buissons, elle apaisait son père par ce seul mot « Monsieur Plénoche m'accompagnait ». « En ce cas, il n'y a point de danger », répondait le duc. Il est vrai que le chevalier veillait en effet sur le trésor confié à sa garde et qu'il savait éviter les accidents. Quant à ceux qui voyaient de leurs yeux les tours de la jeune altesse, ils s'écriaient « Combien la princesse est imprudente, puisque M. Plénoche lui-même ne peut venir à bout de la retenir. » Un jour que Mademoiselle de Longueville courait dans la campagne avec son gardien, ils arrivèrent au bord d'une rivière qui formait une belle cascade ayant bien 2 toises de hauteur. Le site était agréable, et ils mirent pied à terre. La princesse, apercevant une barque attachée au rivage, y sauta légèrement et pria le chevalier de la promener sur l'eau. À peine eurent-ils quitté le bord que la demoiselle eut un étrange caprice. « Monsieur Plénoche, dit-elle, je suis prise d'un furieux désir que vous me permettrez de satisfaire si vous avez vraiment de l'amitié pour moi. C'est de laisser le bateau suivre le cours de la rivière jusqu'à ce que nous tombions du haut de la cascade. « Je ne puis permettre cela, répondit Plénoche. Je ne suis pas aussi habile pour naviguer que pour mener les chevaux. Il vous pourrait arriver de tomber avec moi dans la rivière. » « Eh bien, nous serons quittes pour nous mouiller un peu, car vous savez nager. »« Il ne suffit pas que je sache nager. Nous sommes éloignés du château. Vous ne pourriez pas changer d'habit, et vous gagneriez du mal. »« Voici là-bas une maison de plaisance, où nous irons demander l'hospitalité pour sécher nos habits, si nous venons à nous mouiller. Ce sera une petite aventure qui nous divertira. Je brûle de l'envie de savoir ce qui arrive lorsqu'on tombe dans une cascade. Ne s'agit-il que de le savoir? Je veux bien vous en donner le spectacle, en m'y laissant choir tout seul. Vous verrez cela du rivage. Ce n'est pas la même chose que d'être dans le bateau. Je veux faire le saut périlleux moi-même. Ne me refusez pas à ce plaisir. Notre gentilhomme résista longtemps aux prières de son Altesse, mais elle prit ses manières les plus gracieuses en l'appelant d'un air charmant son cher chevalier, son bon ami M. Plénoche, en sorte qu'il fallut bien céder. La barque fut abandonnée au cours de la rivière. Ce n'était pas une grosse malice que de prévoir ce qui en devait arriver. Ils tombèrent à l'eau de compagnie. Plénoche porta la princesse en nageant jusqu'au rivage. Elle était ravie de cet accident et riait de la plaisante mine qu'ils avaient tous deux en sortant de la rivière. Ce qui la réjouissait davantage était d'avoir entraîné son gardien à cette belle expédition. « Monsieur Plénoche, disait-elle, je suis le jeune grec Achille. Vous êtes le centaure Chiron, son gouverneur. Je deviendrai un paladin accompli sous votre direction. Ça, maintenant, trouvez un moyen de nous sécher, vous qui avez la prudence d'un serpent. » Plénoche fit partir à toute bride son balai champignon pour annoncer au petit château qu'on voyait au loin la visite de Mademoiselle de Longueville. Il commanda qu'on préparât des lits et qu'on allumât du feu pour sécher les hardes. « Pourvu, disait la princesse, que nous ne trouvions pas dans ce manoir quelque géant peu courtois ou quelque méchant enchanteur comme dans les Amadis. » Afin de suivre le fil de cette histoire, nous devons dire au lecteur ce qu'était ce château et quels gens l'habitaient. On appelait ce séjour Montanglos. Le logis était assez beau et les terres en donnaient un gros revenu. Il appartenait à une famille qui portait un nom connu dans la robe. Pendant 2 siècles, les 4 sous avaient été du Parlement. Madame 4 sous et sa fille demeuraient seules à la campagne pour l'instant. Monsieur 4 sous, auditeur des comptes, et son fils Montanglos étant retenus à Paris par leurs emplois. Lorsque Mademoiselle de Longueville arriva au château, elle trouva sur la porte les 2 dames qui la reçurent comme elle le devait, c'est-à-dire du mieux qu'il leur fut possible. Toutes choses étaient préparées d'avance, les lits chauffés au charbon, les cheminées garnies de bons fagots et les cuisines en grande agitation. Mademoiselle 4 sous mit avec empressement sa garde-robe entière au service de la princesse, mais elle avait la taille trop grande pour une si mignonne personne, et il fallut recourir au lit de la châtelaine. Plénoche fut assez heureux pour rencontrer un habit de chasse de M. Montanglos qui lui allait parfaitement, et il n'eut pas besoin de se coucher. Malgré tous les feux du monde, les jupons ne purent sécher avant une grande heure. Mademoiselle de Longueville reçut les soins de ses 2 hôtesses avec cette grâce qui lui gagnait les cœurs, mais à travers laquelle on sentait toujours la princesse. Une collation avait été préparée à la hâte, elle y fit honneur et donna un libre cours à sa gaieté. Au moment du départ, elle voulut embrasser Mademoiselle 4 sous, et lui mit une chaîne d'or au cou en la priant de la garder en souvenir de cette aventure. On se promit de se revoir, et il fut convenu que les 2 dames viendraient passer quelques jours à Coulommiers. Dans le trajet du retour, la princesse frappa de sa baguette sur l'épaule de Plénoche en lui disant « Je gage que je devine à quoi rêve mon vénérable gouverneur avec cette mine grave et ce front penché. On croirait à le voir qu'il médite sur quelques points de philosophie, mais je sais bien qu'il a en tête une folie. Vous songez à Mademoiselle 4 sous, chevalier. Dites-moi ce que vous pensez de cette jeune fille. Elle est fort jolie, et je songeais à ses grands yeux bleus qui ont de la douceur et à ses mains qui sont d'une blancheur parfaite. C'est cela. Elle vous a donné dans la vue. Je la crois digne de vous. Elle a du bien. Il faut que Monsieur le Duc vous marie avec elle. Il n'est pas certain du tout que Monsieur 4 sous vous lui engendre avec un aussi petit bagage que le mien. Et quoique la jeune fille soit charmante, ce n'est point d'une femme comme elle que j'avais fait la rêverie. Et comment donc la voudriez-vous? Je l'aimerais mieux de votre humeur, avec votre esprit et tous vos agréments. Mais je sais bien que parmi les personnes de ma condition, je ne trouverai jamais la pareille de votre Altesse. Monsieur mon gouverneur, je vous défends les propos galants avec moi. Mademoiselle 4 sous vous convient. Elle aura de la gaieté quand elle vous connaîtra comme moi, et pour de l'esprit, cela ne lui manquera point si elle vous aime. Je veux que vous l'épousiez. Il ne m'appartient pas de faire le difficile. Je prendrai bien volontiers Mademoiselle 4 sous pour ma femme. Laissez-moi le soin de conduire cette affaire. Monsieur de Longueville, qu'adorait sa fille et ne lui savait rien refuser, écouta complaisamment l'histoire que lui fit la princesse de sa visite à Montanglos. Elle tourna son récit en chapitres de roman, et après avoir bien amusé le duc avec cette aventure, elle lui confia son envie de donner Mademoiselle Quatre Sous à son protégé. « Mais, dit le prince, Monsieur Quatre Sous est le plus riche des auditeurs des contes. Il a de la morgue. On le dit mal commode à mener, sans compter qu'il regarde de près à ses écus. Eh bien, s'il aime l'argent, le moyen de le gagner est simple. Il faut donner une grosse somme à Monsieur Plénoche. Nous verrons cela, mademoiselle, nous verrons cela. Par grâce, ne traînons pas en longueur. Si le mariage ne se fait point tout prochainement, je n'y prendrai plus aucun plaisir. » Le duc riait de cette passion que mettait sa fille à une fantaisie, mais il s'inquiéta pour elle en voyant que tout le reste du jour elle ne faisait que soupirer en répétant « Ah, que je voudrais donc marier Plénoche avec Mademoiselle Quatre Sous, que je vais souffrir jusqu'à ce que j'y ai réussi. Et monsieur le duc, il ne veut point m'y aider. Je ne dormirai pas de cette nuit s'il ne me promet de me secourir. Je n'ai déjà plus d'appétit et demain je vais avoir le visage tout pâle. Le méchant enfant que vous êtes, s'écria le prince en asseyant sa fille sur ses genoux. « Ne vous agitez pas ainsi. Je ferai ce qui vous plaira. Nous marierons votre Plénoche. Nous donnerons ce que voudra Monsieur Quatre Sous. J'enverrai demain prier ces dames de venir à Coulommiers. Êtes-vous satisfaite ? Je savais que vous m'aimiez trop pour me refuser une chose qui me tient si fort au cœur. Vous dormirez cette nuit ? Si je ne dormais pas, ce sera donc de joie, en pensant combien vous êtes un tendre père. Et demain, j'en aurai meilleur visage. Envoyez aujourd'hui même un page à Montanglos, et ne parlons à personne de notre dessein. » Le prince de Condé, beau-frère de M. de Longueville, venait d'arriver, en sorte que la compagnie était fort nombreuse. Mais on avait logé beaucoup de monde dans les maisons de la ville qui étaient proches du château. La petite princesse fit retenir un bel appartement pour les dames de Montanglos, et le soir, elle se mit au lit, transportée d'aise, en répétant 100 fois « La bonne journée que nous aurons demain. Je vais donc faire la fortune de notre ami le chevalier de Plénoche. » Quand on a 16 ans et qu'on est princesse, on ne saurait soupçonner les obstacles sans nombre que l'homme rencontre en ses moindres projets. Le lecteur verra bientôt que le sort ne prend nul souci des volontés d'une petite altesse, et comment Mademoiselle de Longueville avait devant elle une juste montagne de difficultés.